juste une petite introduction. Voici Nico Brenes, qui va, dans sa présentation, parler entre autres de ce film qu'on vient de regarder. Et Nicole Brenes est professeur de cinéma à l'Université de Paris 3. Oui, c'est ça. Bonjour. Alors, j'ai consacré, donc, à la demande de Cole Weishun et de Rose Gray, un article introductif à Édouard Delauro dans ce magnifique numéro de Third Text qui nous réunit. Donc pour moi, ce n'est pas très amusant de le répéter, ni même de le résumer. Il vaut mieux le lire, et aussi parce qu'il y a beaucoup d'autres articles magnifiques dans ce numéro. Donc, bien sûr, je vais vous donner quelques éléments sur Édouard Delauro lui-même. Mais d'abord, je voudrais aussi, parce que il me revient de prendre la parole en premier lieu comme une sorte de préambule, pas d'introduction, puisque l'introduction sera faite cet après-midi, mais de préambule aux journées qui vont suivre. Donc je voudrais faire quelques remarques tout à fait initiales, comme on initialise en fait un disque dur, quitte à ce qu'il bug et qu'on recommence. Mais donc je voudrais commencer par un premier point, qui est une question de vocabulaire, pour qu'on soit un peu d'accord sur les termes, c'est-à-dire aussi parce que ce colloque, évidemment, international, donc suscité par des anglo-saxons, voilà, suivi par des Français, et donc c'est pas tout à fait la même terminologie. Donc, comment est-ce qu'on peut employer les termes de cinéma militant, qui est le titre de Third Text, enfin de numéro spécial de Third Text, et cinéma engagé. À bien des égards, évidemment, ce sont des termes absolument synonymes, et en intersection. En intersection très fréquente, en croisement. Mais repartons quand même d'une différence qui est tout à fait fondamentale. Donc, le cinéma militant, c'est ce cinéma qui se met au service d'une cause précise et préexistante. En français, donc, mais en militant anglo-saxon, c'est la même chose. L'étymologie, c'est bien sûr miles militis, le soldat. Donc, le cinéma militant, c'est du cinéma enrôlé, y compris volontairement. On peut s'enrôler volontairement dans une armée. Donc, c'est du cinéma, et je pense que c'est le critère le plus intangible, c'est du cinéma discipliné. C'est-à-dire que c'est un cinéma, une activité cinématographique, qui s'inscrit dans un cadre pratique défini. Donc, par exemple, dans un parti, un syndicat, un groupe armé, un groupe politique, ou au moins, s'il n'y a pas une action de terrain, au moins un corps de doctrine précis. Et donc, à ce titre, les images appliquent, prolongent un corps de doctrine. Alors, on pourrait appliquer ces mêmes critères au cinéma de propagande, hein, que ce soit de la propagande politique ou de la propagande économique. Donc ici, la ligne de partage des eaux, bien sûr, c'est que le cinéma militant, historiquement et traditionnellement, se met au service d'une cause émancipatrice. Donc ensuite, il y a évidemment beaucoup de discussions qui s'ouvrent et qui sont possibles. Par différence, le cinéma engagé, donc en français en tout cas, se met au service d'une cause, mais sans s'inscrire dans un cadre institutionnel pratique, voire sans plateforme politique préexistante. Ou pour le dire autrement, le cinéaste engagé n'obéit pas à des consignes ni à une hiérarchie. Il peut obéir à des consignes sociales au sens extrêmement diffus et collectif, comme par exemple les urgences et les nécessités d'une lutte, mais ce ne sont pas des consignes qui lui sont directement envoyées. Donc, un cinéaste engagé, à ce titre, fondamentalement, est indiscipliné, même s'il se voue corps et âme au service d'une cause collective, avec beaucoup de rigueur et de systématicité. Et cette cause, Il peut lui-même la définir. D'où, bien sûr, évidemment, l'existence de très nombreux manifestes, corps et pamphlets dans l'histoire du cinéma engagé. Alors, cette distinction, pour moi, elle est vraiment décisive, évidemment, puisque, pour ce qui nous occupe ce matin, puisque Édouard Delorot est le fondateur d'un groupe qui l'a intitulé Cinéma engagé, en français. Et ce vocabulaire provient bien sûr de Sartre, et me disaient Caudeau et Eros à l'instant, c'est un vocabulaire tout à fait désuet, obsolète en anglais, enfin le terme d'engagé, hein, donc nécessité peut-être de le réactiver aujourd'hui, de le remplir à nouveau de sens et d'action. Donc, l'une des tâches évidemment de l'historien, et souvent les contributions d'auteurs textes y participent, consiste à retracer avec précision les occurrences et aussi les tressages de ces deux situations pratiques, c'est-à-dire la militance et l'engagement. Parce que les tressages sont parfois beaucoup plus subtils qu'on ne le croit évidemment. Par exemple, René Vautier, donc, et comme chacun sait, membre du Parti communiste. Mais il a dû déposer sa carte du parti pour pouvoir partir filmer en Algérie du côté des Algériens. Je voudrais citer un moment d'un entretien paru dans les Cahiers du cinéma en 2001. J'étais communiste, j'ai également rencontré Franz Fanon. Au départ, les discussions avec lui étaient assez dures. Nous sommes devenus amis plus tard. À l'époque, il était déjà le théoricien des révolutions du tiers-monde et il avait peur que j'apparaisse pour les Algériens comme un envoyé du Parti communiste. Or, ce n'était pas le cas. J'avais eu, en partant de France, un désaveu mitigé du parti avec Léon Fex, donc un cadre communiste, qui m'avait dit « Tu ne représentes rien, mais tu fais ce que tu veux. » Quand on part à l'étranger, donc René reprend la parole, et qu'on ne représente pas le Parti communiste, on pose sa carte à sa fédération départementale. J'avais donc déposé ma carte à la fédération de Seine-et-Oise. Hein, donc, ça veut dire que pour pouvoir faire du cinéma engagé, hein, au sens donc libre et autonome que je rappelais tout à l'heure, hein, donc en l'espèce un cinéma anti-colonialiste, il faut obéir en fait à la discipline en vigueur et donc quitter le champ du cinéma militant. Donc c'est une situation apparemment paradoxale mais cruciale et qui nous indique finalement ce qu'est la sphère d'action d'un cinéaste protestataire. Il crée des zones de liberté pratique pour travailler à la libération collective. Alors inversement, dans le cas par exemple de Caméra Œil, vous vous rappelez bien sûr comment Jean-Luc Godard raconte comment il a voulu s'enrôler au service des combattants du Nord-Vietnam, mais que l'ambassade ne les a pas pris au sérieux, lui et Jean-Pierre Gorin, et l'a refusé évidemment qu'ils partent au Vietnam. Donc c'est un moment dans le film à la fois très drôle mais très profond de définition de l'œuvre même de Godard par les délégués politiques vietnamiens. C'est-à-dire que aussi militant soit-il, hein, aussi discipliné soit-il ou veut-il être, voilà, il est perçu et il reste, et c'est bien sûr son génie, une force de totale indiscipline. Alors, j'ai posé cette distinction, ou je l'ai reposée, parce que dans la suite de mes remarques, je vais dire cinéma engagé, bien sûr, puisqu'il s'agit de Delorot, mais c'est une façon aussi d'englober le cinéma militant comme une de ses provinces. Donc ça, c'est une discussion possible. Quel terme englobe l'autre? Je pense que historiquement, voilà, on peut, il y a quelques arguments pour penser que le cinéma engagé est à la fois plus vaste, plus flou, et aussi d'une certaine façon antérieure au cinéma militant. Donc, ce préalable est indispensable dans le cas d'Édouard Delorot, donc, parce qu'il a créé le groupe Cinéma Engagé dès 1964, c'est-à-dire de façon extrêmement pionnière par rapport à l'histoire des luttes de libération, notamment anticoloniale, et qu'il a publié donc, en 1965 un manifeste collectif de 14 pages qui est intitulé « A Statement for the Creation of an Engaged Cinema » donc cette fois en anglais, « Engaged Cinema » in the United States. Et il y explique son but en ces termes, donc en parlant donc au nom d'un groupe. Il s'agit, donc je retraduis de l'anglais, de participer à consolider et à réunir donc les forces de cinéastes dispersés en Amérique qui ont éprouvé la nécessité de créer dans ce pays, à la fois à travers un mouvement d'esprit, spirit en anglais, et la formation de groupes concrets de production filmique concrète, donc de groupes de production, ça veut dire y compris financier, un cinéma autonome comme art et puissant comme force sociale. C'est le but de cinéma engagé. Et ce caractère pionnier, évidemment, de l'initiative d'Edouard Delauro est un des facteurs qui explique aussi qu'il fasse partie aujourd'hui de ces groupes oubliés des histoires du cinéma. Il en existe beaucoup d'autres. Je pense par exemple au groupe Jean Vigo en France. On connaît tous les groupes Zivertov, Ciné Liberté, etc. Mais le groupe Jean Vigo en France est un des groupes nés dans les années 50, donc qui s'est battu contre la guerre d'Algérie et qui ensuite a travaillé au début de mai 68, créé par aussi des membres de la CGT et du Parti communiste qui étaient des appelés, en fait, qui refusaient de s'engager, d'être enrôlés. Et donc ça, c'est la première remarque. Et d'autre part, donc hormis la création de cinéma engagé du groupe, d'autre part, son trajet, d'une certaine façon, a toujours fait de lui une force de proposition, donc au sens de la préscience, de quelque chose qui vient en avant, mais aussi de désobéissance. C'est-à-dire qu'il a toujours désobéi, en fait, aux consignes, qui lui étaient contemporaines, ce qui ne le rend pas du tout incohérent, mais qui le rend, d'une certaine façon, irrepérable. Donc, inappropriable par d'autres initiatives contemporaines, et donc, sans doute aussi, extrêmement fragile. Ce qui m'amène à une seconde observation. Qu'est-ce qu'une œuvre ? Pour un cinéaste militant ou engagé, en principe, faire œuvre n'est pas un enjeu, ou au moins est un enjeu secondaire. L'enjeu premier, prioritaire, c'est l'efficacité historique. Et ce, à trois égards, qui s'articulent ou non. D'abord, à l'égard de l'immédiateté du combat. René Vautier a nommé ce cinéma donc de l'immédiateté performative le cinéma d'intervention sociale. C'est-à-dire, c'est ce cinéma qui, ici et maintenant, vise la réussite d'une lutte et la transformation concrète d'une situation de conflit, donc lutte syndicale, lutte ouvrière, ou lutte armée, donc d'une situation de conflit ou d'injustice in situ. Et ce cinéma-là n'a pas pour vocation de durer, de perdurer, de faire œuvre, encore une fois, de se cristalliser en œuvre, et il peut, c'est arrivé très souvent dans l'histoire évidemment, disparaître au cours même de la lutte. C'est le cas devenu désormais très célèbre en France du film Un homme est mort, donc film de René Vautier. Dans le moyen terme, il s'agit, donc dans l'efficacité qui vise le moyen terme, il s'agit de diffuser une contre-information et de soulever des énergies, au-delà de l'ic et nunc, du conflit lui-même. Donc c'est le cas, bien sûr, du film que vous venez de voir, donc Black Liberation, Et c'est le cas aussi, pour donner un exemple tout à fait équivalent de la décennie suivante, de la déclaration de guerre mondiale du Front populaire de libération de la Palestine et de l'armée rouge japonaise, filmée par Masao Adachi, au Liban et en Palestine, en 1972, et qui appelle à la constitution d'une armée rouge anti-impérialiste à l'échelle du monde entier. Et enfin, dans le long terme, c'est le troisième type d'efficacité donc revendiquée par le cinéma engagé, il s'agit de filmer pour conserver des faits au regard de l'histoire. Donc c'est la dimension de document, d'archives et de travail de transmission de la mémoire des luttes aux générations futures. C'est la dimension, par exemple, présente dans un très beau film de Tobias Engel qui s'intitule No Pincha, qui est un long métrage documentaire en noir et blanc, tourné en 1972 en Guinée portugaise, au sein des unités du FNL, du Front National de Libération, et qui suit donc le quotidien des combattants, mais qui a pour but aussi de conserver l'image d'Amilcar Cabral. Parce qu'en 1972, évidemment, pour un cinéaste engagé, il est impossible de ne pas avoir à l'esprit l'exemple des assassinats de Malcolm X, de Che Guevara, de Franz Fanon. Il s'agit évidemment de conserver l'image d'un leader politique révolutionnaire tout aussi menacé. Ou bien, pour donner un autre exemple, qui est d'origine plus intime, mais tout aussi efficace dans le long terme, c'est le Angela Davis Portrait of a Revolutionary de Yolande Duluart, qui est très précoce, donc 1971, et qui est un film qui n'avait pas d'abord pour but de soutenir Angela Davis emprisonnée, puisque l'arrestation d'Angela Davis a eu lieu entre le tournage du film et son montage, mais d'abord de conserver simplement l'image, la parole, le quotidien d'une jeune professeure de philosophie militante qui travaillait donc dans le département de philosophie, tandis que Yolande Duluart était, elle, dans le département de cinéma. Et ce film témoigne de son admiration pour cette jeune professeure. Et c'est ensuite, lors du montage, que le film s'est peu à peu transformé en un appel, bien sûr, un appel protestataire pour la libération de Angela Davis. Comme celui de René Vautier, de Masao Adachi, de Tobias Engel, de Yolande Duluart, mais aussi plus tard de Holger Mainz et d'autres, le parcours de Édouard Delauro non seulement permet, mais je dirais de fait exige, de refonder la notion d'œuvre et donc d'une certaine façon de l'arracher aux critères usuels. C'est-à-dire que une œuvre n'est pas composée seulement de pièces, au sens de films ou de textes, mais aussi d'actes et de gestes. Et le plus grand inventeur de gestes, à cet égard, c'est probablement encore lui, Jean-Luc Godard, ce que j'avais tenté d'indiquer dans la préface de Jean-Luc Godard Document en 2006. Mais je propose, pour ma part, de dire qu'une œuvre est tout particulièrement dans le champ du cinéma engagé, se compose de la somme de pratiques, d'actions et de représentations symboliques, c'est-à-dire les films et les textes, ainsi que de leurs relations mutuelles accomplies au cours d'une vie. C'est-à-dire que l'œuvre, en ce sens, n'est pas seulement un corpus, mais un ensemble d'initiatives. Que j'ai appelé, de manière très locale évidemment, mais par exemple une esthétique de l'ingéniosité. Un cinéaste engagé, c'est souvent quelqu'un qui est obligé, in situ, d'inventer beaucoup de gestes, beaucoup de moyens, parfois extrêmement malicieux et souvent subversifs, pour parvenir à faire une image. D'où ma troisième observation, qui concerne la nécessité globale de repenser l'esthétique à partir du politique. Et non pas comme sa contrepartie, voire comme c'est le cas encore dans l'imaginaire général, comme sa marge. Un préjugé, évidemment, voudrait que le cinéma engagé, parce qu'il est pris dans les urgences matérielles de la lutte, reste indifférent aux questions esthétiques. Mais en fait, c'est une conception que je dirais très piteusement décorative des exigences formelles, puisque le cinéma engagé, au contraire, n'existe qu'à se poser les questions fondamentales. Pourquoi faire une image? Laquelle? Comment? Avec et pour qui? Comment la monter? Dans quel contexte la mettre en perspective? Dans quel contexte la faire circuler? À quelles autres images s'oppose-t-elle? Et au regard de l'histoire, quelles seront les images indispensables? Et quelles risquent d'être les images manquantes? À qui donner la parole? Et comment la prendre si on vous la refuse? Autrement dit, quelle histoire voulons-nous? Et ce sont ces questions, évidemment, que travaille le numéro d'Auteur Texte dirigé par Kodwo Ishun et Rose Gray. Or, parmi l'ensemble des actes possibles au cours d'une vie, le geste traditionnel du cinéma, du cinéaste combattant, c'est en fait de disparaître. Donc, disparaître dans la clandestinité, mais par voie de conséquence, souvent, disparaître des histoires du cinéma. C'est de l'underground for real, du vrai underground, dont terme, vous vous souvenez peut-être, que revendique Édouard Delorot dans l'un des cartons initiaux de Black Liberation. Truly underground. C'est du vrai underground. Et donc, de même que des années de prison et de mauvais traitements font partie d'une vie, de même, la disparition des films dans la chaleur du combat, les placards de la censure ou les oubliettes de l'histoire doit être considérée comme faisant partie de l'œuvre. Comme René Vautier le disait par exemple à propos d'Afrique 50, qui est un film donc 16 mm, tout couturé de blessures, de rayures, et dont les quelques copies 16 mm sont extrêmement dégradées, les cicatrices font partie du film. L'oubli fait partie de l'œuvre, dans le cas du cinéma engagé. Les participants de ces journées le savent bien, eux qui souvent travaillent sur des roches, des chutes, des bouts, des morceaux. Un film disparu, par exemple, ceux de Masao Adachi qui, pendant 15 ans, a tourné chaque semaine des newsreels avec les combattants palestiniens et dont tous les films ont disparu brûlés en 1982 dans un incendie à Beyrouth. Un film disparu et dont il ne subsiste que le souvenir importe plus à l'histoire que bien des masses de pellicules célébrées dans le monde de l'histoire du cinéma officiel. À tous ces titres, le cas d'Edouard Delorot est très passionnant et donne beaucoup à penser. Dans le descriptif final des contributeurs du volume 4, numéro 3 de la revue Cinéaste, Édouard Delorot est ainsi présenté. Yves Delorot, puisqu'il avait plusieurs pseudonymes, d'ailleurs Édouard Delorot est un pseudonyme, Yves Delorot est un cinéaste récompensé et un écrivain, l'un des théoriciens contemporains les plus significatifs du cinéma engagé. Donc on est là en 1971, et ce personnage apparemment aussi éminent a entre-temps totalement disparu. Et donc il y a de nombreuses raisons qui concourent à ce recouvrement. J'en signale seulement deux. Donc Édouard Delaureau, comme je l'ai indiqué, est complètement décalé dans le temps, en raison de son caractère tout à fait précoce. Mais il est aussi marginalisé dans l'histoire des idées en raison du caractère tout à fait hérétique de sa conception révolutionnaire, qui est, comme vous l'avez, je pense, entendu dans Black Liberation, un mixte assez étrange, très peu orthodoxe, de marxisme-léninisme tiers-mondiste, d'existentialisme persistant et de visionnarisme sacrificiel. C'est-à-dire des éléments extrêmement incompatibles, surtout dans les années 70. Alors d'où vient la possibilité de ce mélange ? Bien entendu, de la biographie d'Édouard Delaureau lui-même. Je vais rappeler juste quelques repères pour ceux qui ne le connaîtraient pas du tout. Le vrai nom d'Édouard Delaureau, c'est Edvard Lada Lodanski. Il est né le 23 avril 1922 en Pologne. Il est mort en 1994 à New York. Il est enterré dans le cimetière militaire de Varsovie. Il a fait la guerre, donc la Deuxième Guerre mondiale à Varsovie. Il s'est battu contre le nazisme. C'était un officier dans l'armée polonaise. Et je pense que cette expérience initiale de la guerre détermine évidemment tout son trajet ultérieur, son l'imaginaire guerrier, donc, qui éclate sans cesse dans Black Liberation. C'est-à-dire que toute lutte après cette lutte initiale, et c'est exactement la même chose pour René Vautier qui était dans les Maquis à 15 ans, paraît voilà, tout à fait normale, tout à fait conductible. Voilà, c'est le minimum vital que de lutter évidemment contre l'impérialisme lorsqu'on s'est battu pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est là aussi donc qu'il a appris techniquement le cinéma. Il est parti ensuite, ça reste à vérifier, dans les bérets verts. Donc il a travaillé aussi dans l'Intelligence Service. Et ceci détermine l'iconographie de son second film achevé, donc qui s'intitule Listen America, et qui est un essai du même ordre, mais sur la société de contrôle typique de l'Amérique des années 70. Film dont il existe une copie 16 mm seulement, pour l'instant, qui ne circule pas. Alors, autres éléments de la biographie d'Édouard Delaureau. Donc, il a travaillé, il s'est installé à Paris dans les années 50. Il a étudié à la Sorbonne et à l'IDEC. Il a été l'assistant de nombreux cinéastes, comme Jacques Becker, Peter Weiss, Federico Fellini, Orson Welles, dit-il aussi, pour Don Quichotte. Il a été scénariste, il a rédigé la première version du scénario du Salaire de la peur, par exemple. Et puis, il est parti en 1955 aux États-Unis, où il a fondé Film Culture avec Jonas Mekas. Il faisait partie de cette immigration d'Europe de l'Est, donc les Lituaniens, les Polonais, et où il a publié de très nombreux articles. Donc à la fois des manifestes, j'en ai fait la liste, mais ce serait un petit peu long de vous raconter, enfin de vous la donner en entier. En tout cas, une quinzaine d'articles qui sont à la fois donc des essais théoriques. Je vous donne simplement le titre de son texte le plus important, Towards a Theory of Dynamic Realism, donc vers la théorie d'un réalisme dynamique. Et c'est la première version, si je puis dire, du concept qui caractérise la pensée d'Édouard Delaureau, c'est-à-dire le concept de prolepse. Le réalisme dynamique, c'est celui qui ne s'ordonne pas au réel, en réalité, hein, qui prend le réel à bras le corps, mais pour le changer et qui va chercher dans le réel, en fait, les germes du futur. Hein, c'est le principe donc, qu'il appellera ensuite celui de la prolepse. Hein, c'est-à-dire le fait que le rôle du cinéaste engagé, hein, c'est d'anticiper sur le réel à venir. Hein, c'est en quelque sorte d'arroser les germes, hein, de ce qui, dans le réel, pourrait participer donc à l'amélioration du monde, hein, donc à l'émancipation. Hein, c'est la théorie de la prolepse. Donc il publie dans Film Culture d'autres manifestes, mais il publie aussi en critique de cinéma, des critiques de films, des comptes rendus de festivals, donc on peut suivre ainsi son parcours dans ces années-là, par exemple à Cannes, ou bien en Suède, où il rencontre Peter Weiss. Et il publie aussi un certain nombre d'entretiens, par exemple une interview avec Boris Kaufman, donc le grand Boris Kaufman, le frère de Dziga Vertov, opérateur bien sûr, une interview avec John Huston et une avec William Van Dyke, donc le documentariste. Donc il va se fâcher avec... donc c'est Jonas Mekas, c'est l'anthologie Film Archives qui garde une partie des archives d'Edouard Delauro. Mais il va se fâcher avec Jonas Mekas pour des raisons essentiellement politiques, évidemment, puisque voilà, il y a évidemment une immense, un immense gouffre entre... le marxisme d'Edouard Delauro et évidemment l'apolitisme revendiqué de Jonas Mekas, qui retrouve évidemment la question politique sous de toute autre forme que celle d'Edouard Delauro. Donc, entre autres faits d'armes, Edouard Delauro va fonder le département cinéma d'une université libre à New York. Donc, il va redéfinir totalement des programmes cinématographiques, et il va aussi participer à l'aventure de la revue Cinéaste, donc, qui existe toujours, et où il va publier de très nombreux articles très intéressants, donc qui constituent une sorte qu'on pourra réunir en livre, et qui constituent un programme, en fait, quand on les rassemble, un programme entier, disons, de production, écriture et mise en circulation du cinéma engagé. Alors, il est déjà midi et je ne voudrais pas être trop longue. Simplement dire donc que Edouard Delauro n'a réalisé que deux films au sens d'un achèvement usuel, si je puis dire, d'un film avec des génériques. Même le titre, par exemple, de Black Liberation pose problème, puisque ce film a circulé sous de très nombreux titres. Là, vous en avez vu simplement deux sur le DVD, Black Liberation et Silent Revolution, mais il y en a eu une demi-douzaine d'autres. C'est un symptôme tout à fait éloquent. Et puis Listen America, mais il a laissé aussi un nombre tout à fait considérable de bobines de films, de rushs non montés, de scénarios, de projets de films, y compris de films de fiction. L'ensemble de ces archives est pour l'instant totalement dispersé entre l'anthologie Film Archives, la mise sous séquestre, pour l'instant en tout cas actuelle, en raison du décès de sa productrice et compagne Solange Marcin, et probablement, voilà, et sans doute aussi... du côté de Robert Lunt, donc qui est le mari de Zoé Lunt, la dernière compagne de Edouard Delauro. Mais il faut signaler aussi que un grand nombre des archives conservées par Zoé Lunt étaient en extrêmement mauvais état, voilà, pour des raisons que je pouvais vous raconter en privé. Peut-être c'est pas le c'est pas le lieu ici. En tout cas, une dernière chose que je voulais signaler, tout à fait factuel pour terminer cette très brève introduction, c'est que dans les années 1970, donc ce film Black Liberation était distribué par la productrice, donc Solange Marcin, et une copie 16 mm non sous-titrée se trouvait en France chez Iskra. Hein, bien sûr, ce film doit beaucoup à Chris Marker, en tout cas dans son style, hein, Marker et René, bien sûr, au statut Meurthe aussi. Iskra, d'ailleurs, ne savait pas du tout quel était ce film, enfin, en tout cas, la deuxième génération d'Iskra, qui ne figure pas à son catalogue. Et depuis les années 2000, et c'est là-dessus que je voudrais terminer, parce que c'est ce qui permet désormais à ce film d'être montré. Le sous-titrage et la version DV ont été réalisés par l'association 360 degrés, et même plus, à partir d'une version VHS de troisième génération. Donc c'est ce qui explique par exemple les petites barres tremblantes en bas de l'image et le caractère aussi extrêmement flou parfois du film. Donc il y a des flous qui sont des flous stylistiques évidemment, il y a des flous éloquents, mais le flou général voilà, qui est comme un voile épais est dû simplement à la mauvaise qualité de la copie initiale. Or, cette association, 360 degrés et même plus, constituée notamment par Agathe Dreyfus et Ivora Cusack, lutte en images, donc en particulier aux côtés de RESF et d'autres associations pour la défense des travailleurs immigrés. C'est un groupe de vidéastes qui est basé dans le sud de la France, à Marseille, et qui a réalisé une douzaine de films engagés aux côtés des sans-papiers, qui a réalisé notamment un court-métrage qui est un superbe mode d'emploi de résistance au cas où vous assisteriez à l'embarquement de, on va dire d'otages clandestins dans des charters, et un long métrage aussi consacré à la lutte des femmes de ménage africaines exploitées par la société Arcade, par les hôtels, la chaîne d'hôtels Accor, donc film qui a été tourné pendant 4 ans et qui est distribué maintenant sous le titre « Remue ménage dans la sous-traitance ». Le film, et je dirais surtout l'œuvre, au sens que j'ai essayé de redonner à ce mot, de Deloro, en ce sens, répond à la question de l'efficacité du cinéma engagé, hein, qui est une efficacité qu'on lui pose souvent, puisque cette efficacité, donc, elle peut revendiquer simultanément l'efficacité immédiate de la balle de fusil, mais aussi l'efficacité à moyen terme du discours et de la contagion par l'exemple, puisqu'elle entraîne par exemple, donne du courage, du souffle, c'est un exemple quotidien pour 360 degrés même plus, et peut-être aussi, sans doute, j'espère, l'efficacité à long terme de la mémoire des luttes internationalistes, donc menées à partir de la communauté noire américaine. Je vous remercie et je suis prête à répondre aux questions, notamment ce soir, bien sûr, lors de la table ronde, au sujet plus précisément d'Edouard Deloro.